Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est le 4 février 2009. Vous écoutez le journal sans papier numéro 20. On va parler aujourd'hui de l'actualité des luttes des sans-papiers en Belgique. Et on va le faire en compagnie de Booba, qui est occupant à l'UCL, une nouvelle occupation, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et bonsoir Booba. Bonsoir, je suis Patrick. Et on va aussi le faire en compagnie d'Alex. Bonsoir. Qui est bien connu de cette émission, occupant dans toutes les universités de Belgique. On va le faire en compagnie d'Alex. On va commencer par Alex parce que Alex doit partir à une réunion assez vite. C'est aussi ça les luttes. Et on va commencer par écouter un petit son que va nous proposer Vincent. Donc la troisième plage, Vincent. Merci. Voilà, donc on est le mercredi 21 janvier. Demain, il y a une manif de sans-papiers devant le ministère Turtelbaum à Bruxelles, le 22. Alors là, on est dans une autre manif, donc on est devant le Parlement islandais à Reykjavik. Et cette nuit, depuis toute la journée d'hier et cette nuit jusqu'à tôt le matin, il y a quelque chose comme 3000 personnes qui ont manifesté autour du Parlement pour réclamer la démission du gouvernement. C'était la rentrée parlementaire après un mois de vacances. Et donc le gouvernement est jugé par les manifestants incapable, c'est ce qui donne le slogan de la manif, gouvernement incapable, et jugé incapable et corrompu, donc incapable de faire face à la crise auquel il a certainement participé. Seulement, il pouvait y avoir autant de bruit demain à Bruxelles pour les sans-papiers. Et un peu plus de monde. Bon, ici, on n'est pas beaucoup, mais il faut bien comprendre que, à la mesure de la population islandaise, c'est une assez belle mobilisation quand même. Ça fait 1%. 1% de la population. 1% de la population, mais on est en semaine. On est mercredi en début d'après-midi à la reprise du travail sans doute et heureusement la crise n'a pas encore licencié tout le monde. Voilà, pour vous expliquer que le journal sans papier, le 21, n'était pas à Bruxelles et donc n'a pas pu participer à la manif du 22. Mais alors, donc ça, c'était des nouvelles d'Islande. Et en voyant ces manifestations, ces gens qui tapaient sur des casseroles, il y a quand même 3000 personnes qui ont tapé sur des casseroles pendant une semaine en Islande et qui ont réussi à faire tomber un gouvernement en une semaine. Je me disais quand même, ça, c'est une mobilisation qui devrait pouvoir nous inspirer un jour à Bruxelles. Et bon, pourquoi pas derrière les sans-papiers. Alors Alex, du coup, comme j'étais pas là, tu peux peut-être me raconter alors ce qui s'est passé effectivement le 22 à Bruxelles. Ah, le 22, on était chez la ministre de la pantoufle. Oui. Ouais, donc la manifestation s'était bien déroulée. Il y a eu, je sais pas, 1200, 1300 personnes qui sont sorties manifester ces jours-là. Et la plupart des hauts, c'était hyper chouette parce que la plupart de ces gens, c'était des sans-papiers. Donc les sans-papiers, encore une fois, ils ont montré qu'ils ont perdu la peur. Et voilà, maintenant, ils se montrent, ils protestent, ils dénoncent, ils sont en train de demander respecter ces droits. Ouais. Et donc, on était partis de l'office d'étrangère, on s'est rassemblés à l'office d'étrangère où il y avait une ambiance énorme, quoi, une ambiance de fête. Et il y avait des gens qui sont amenés des tambours, il y avait des siffles, les gens y chantaient. C'était chouette. Donc, enfin, on a démarré la marche et on s'est dirigé vers le cabinet de la ministre à Rue de la Loi. Donc, pendant tout le trajet, les gens, ils ont manifesté, ils ont protesté, ils ont chanté leur slogan. C'était bien passé, c'était cool. En arrivant chez le cabinet de la ministre, il y avait des occupants de son papier de ULV et de la VUV qui étaient en train de répéter, d'apprendre l'hymne national de la Belgique. Mm-hmm. Et ils sont appris dans les trois langues, en français, en néerlandais et en allemand. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était justement ça, de venir devant la ministre et de leur chanter leur hymne en disant symboliquement, voilà, nous aussi, on est intégrés. Oui. Même le premier ministre, l'ancien premier ministre Yves Leterme, je sais pas si tu te rappelles. Je me souviens, oui. Et il devait chanter l'hymne de la Belgique, il a commencé à chanter l'hymne de la France. Oui, il avait un peu du mal. Il avait un peu de mal, voilà, quoi. Et comme on disait, sous le régime d'occupation en France, est-il plus français que vous? Donc, qui est français, qui est belge? C'était ouais. Une bonne façon de rappeler que... Que voilà, que personne n'est illégal dans aucun endroit dans cette planète, quoi. Que les citoyens devraient être égaux. Oui, ouais, c'était génial. Et on voyait aussi, parce que moi j'étais en train de filmer, donc je voyais les flics, la police, les gens qui étaient là à côté. Oh, si, ils étaient un peu impressionnés, ils étaient touchés, quoi, parce que j'ai vu quelques larmes dans quelques yeux de la police, quoi. Ça, on peut dire que c'est une victoire. Ouais, c'était chouette. Et ensuite, il y avait une délégation qui a rentré, qui a parlé, a expliqué au représentant de CDLB qui a reçu cette délégation. Donc, il a expliqué notre problème et il a expliqué la raison pour laquelle on était venu chez eux. Ils ont donné une liste de dossiers de 1000 personnes qu'on occupe à la U, maintenant UCL, la ULV et la VUV. Donc, ils nous ont promis qu'il y aura une réponse le 14 février. Mmh. Mais le 14 février, ça tombe un samedi, donc on pense qu'ils ne vont pas travailler pour nous le 14. Okay. Donc, on a demandé qu'on va se voir un jour avant, ça veut dire qu'on a le rendez-vous, on l'a décalé, c'est pour les 13. Le 13 février, c'est vendredi prochain, on doit venir chez la ministre pour voir ce que la proposition et ce que la réponse qui est là pour nous. Bouba, tu voulais ajouter quelque chose sur la manif du 22? En fait, j'aurais pas grand chose à ajouter sur ce que, Alex vient de dire ici. Mmh. Mais c'est juste que ce jour-là, on a vraiment eu une manifestation, une grandeuse, qui était vraiment, on dirait, réussi, ouais. Pas simple, mais qu'il y avait plein de monde qui était vraiment sorti pour ce jour-là, parce que c'était vraiment important pour nous de nous rendre au cabinet de la ministre, parce que personne ne voulait rater ça pour rien au monde. Et puis ce qui m'a particulièrement frappé dans tout ça, parce qu'on avait aussi apporté des valises, des mallettes. Ouais, c'était vraiment génial ce qu'on a vu là-bas et tous les gens qui tenaient les mallettes, les valises, en fait, étaient devant nous, derrière, comme les calicots. Et c'était vraiment super. Il y avait des gens qui mettaient qui avaient les valises sur leur tête, qui les tenaient comme ça, juste pour montrer aux gens que notre détresse, c'est vraiment génial. Mmh. Ouais. Ça, c'est le résultat du travail du collectif artistique de la VUB, si je ne me trompe, qui s'appelle Papier Mâché. Papier Mâché, voilà. Mmh. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y avait, devant le cabinet de la ministre, il y avait un ambiance fou, quoi. Il y avait les gens qui dansaient, oui, au milieu de la folie. Il y avait, je sais pas si en français c'est le bon mot, on a fait des serpentes, oui, serpentes humaines, une chaîne, oui, une chaîne, une farandole. En dansant, et puis c'était génial, c'était super. Mais moi, pour avoir assisté aux manifestations qui avaient précédé, notamment devant la maison communale d'Ixelles, oui, effectivement, il y a toujours une ambiance très festive. Mais l'unique petit souci, oui, c'était, ça sera bien de rappeler encore une fois aux associations, aux syndicats, que c'est vrai, il y a quelques sans-papiers qui ne comprennent pas parfois c'est quoi notre combat, c'est quoi la position ou le soutien qui offre les syndicats, mais pour une prochaine fois, je voudrais bien que les syndicats, ils viennent, mais avec les personnes qui sont syndiquées dans leur syndicat, pas avec leur casquette, le foulard, pour déguiser une manifestation de sans-papiers en une manifestation syndiquée. Ça c'était dommage. Ça, j'ai déjà vu aussi. On en a déjà parlé au journal Sans Papier. C'est effectivement un problème, le problème de captation de visibilité. Peut-être, Alex, on peut revenir aussi sur ce qui s'est passé depuis cette manifestation. Oui, depuis cette manifestation, on n'a pas eu beaucoup des actions politiques, mais c'était plutôt des actions ou des activités pour pour respirer un peu, faire respirer un peu les occupants et nous-mêmes, que on a travaillé comme on devait travailler. Oui. Donc après le 22, il y a eu une série d'activités quand c'était à ULV, le 28 janvier, si je me trompe pas, on a diffusé des films avec la collaboration de CADTM. Suite à ces films, on a fait un petit débat avec les occupants, les sans-papiers de ULV, lequel s'était passé hyper génial. Il y a eu la participation de beaucoup de gens de sans-papiers qui sont intervenus, ils ont posé ces questions, ils étaient contents de tout ce que s'était passé. Par la suite, il y a eu aussi la diffusion d'un film le 29 d'avril, je sais pas si tu te rappelles, la manifestation avec la intervention violente de la police fédérale, où il y avait 150 personnes arrêtées au palais de justice. Mmh, oui, bien sûr. On a montré ça, les films et les sans-papiers. Je crois qu'ils ont pris plus de courage. Ils étaient aussi, ils ont posé des questions par rapport à où ils se retrouvent maintenant, ces gens qui étaient arrêtés. Mmh. Et aussi, on a expliqué qu'il y avait 13 personnes, que le mouvement, les mêmes sans-papiers, ils sont défendus à ces personnes et maintenant ils sont en liberté. Mmh. Quelques-uns, ils sont avec nous, quelques autres, ils ont eu ces papiers et voilà, ils sont disparus dans la nature. Pour clôturer la soirée, il y a eu un DJ, on a eu un peu la musique africaine, la musique maghrébienne, un peu la musique latino. Mm. Il y avait les étudiants de l'ANSAS qui sont venus aussi pour faire des activités avec les enfants. Ils ont raconté des contes, ça aussi c'était super génial, j'ai jamais vu ça et waouh, j'ai adoré quoi. Uh-huh. C'était génial, je suis devenu un enfant. Bravo. Et après c'était la fête et tout le monde dansait, tout le monde rigolait, on s'amusait et voilà, c'était la fête qu'il a duré jusqu'à 3h du matin je crois. La suite, on était tous fatigués. Bon, ça c'était passé les 28 janvier, mais pour les 30 janvier aussi, on a eu, et ça je crois que nos camarades, ils vont vous expliquer un peu, c'est une petite partie de ULV, ils sont partis à la UCL, mais et là je reviens vers la VUV, où il y a eu aussi une série d'activités, juste maintenant, par exemple, il y a des étudiants de l'école de Ritz, des monteurs, des cinéastes, qui sont en train de monter un documentaire à l'occupation, à la VUV. Ça, d'un côté, il y a eu aussi quelques meetings qu'on a organisés devant les cafétérias à la VUV. Pour sensibiliser, pour attirer un peu l'attention des étudiants, parce que on est conscient que on a beaucoup de travail. C'est une université flamande et la plupart, la majorité des gens sont des libéraux, donc on a des travail à faire là-dessus. Et dis-moi, Alex, moi quand je suis parti, le parking, l'occupation du parking K était menacé plus ou moins d'expulsion. Enfin, la direction de la VUB parlait de peut-être d'expulser les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est bien que tu me rappelles. J'avais déjà oublié. C'est quelques jours et j'ai déjà oublié. Mais en effet, on avait ces menaces d'expulsion et tout ça. Mais grâce aux étudiants et au soutien qu'on a, on arrivait à un consensus, on arrivait à convaincre le directeur de que c'est pas possible, c'est pas le moment que nous on puisse sortir de la VUV, puisque la négociation on essaye de la commencer et on a déjà introduit une liste et maintenant on attend une réponse. Suite à ça, nous on verra de quelle façon on va pouvoir faire entendre. Peut-être on devrait utiliser des actions plus radicales, ou peut-être que ça va être une réponse positive, donc ça sera le plus chouette, le plus génial pour tout le monde. Donc on arrivait à que on base, ils nous ont proposé quelques bâtiments, mais tous ces bâtiments ils étaient pas occupables, ils étaient insalubres. En clou, il y avait une grande tente que les étudiants ils utilisent pour faire la fête et tout, mais tu vois, je sais pas si tu t'imagines, ces derniers jours, il a fait un froid et si tu mets des gens dans une tente, même s'il y a des chauffages, ça va, une tente, c'est pas isolé, quoi. Donc, on a pensé que c'était pas l'adéquat, mais quand même, les sans-papiers, ils ont décidé de prendre cette tente. Mais, après, le directeur, il a changé d'avis, il a dit non, on peut pas vous donner la tente. On a besoin que vous sortiez. Donc, c'était un appel à une nouvelle réunion, à négocier à nouveau, à lui convaincre et tout ça. Donc, on arrivait à avoir un autre garage. Et maintenant, on se retrouve de l'autre côté de l'université. Tu vois l'avenue, comment s'appelle l'avenue là? J'ai oublié déjà. Où on était. Ouais. En fait, le parking K, il est vraiment à l'entrée de l'université. Voilà, des boulevards du Triomphe. Tu vois, boulevard du Triomphe, l'autre rue qui est à côté de la gare de Terbeek. Uh-huh. Je me rappelle pas le nom de cette rue, cette avenue-là. On est là. D'accord. La première entrée, c'est dans le parking B. Okay. Le parking B. Bon, il y a des calicots, si vous êtes par le coin, essayez de trouver Citibank, on est en face Citibank, parce que là, juste au coin, il y a le gros Citibank. Mais c'est pas la pouf pour Citibank, désolé. Très bien placé, très bon emplacement. Et dis-moi, Alex, il y a toujours les réunions le mardi soir de papier mâché, du collectif artistique, qui a animé, on va dire, les activités dont tu parlais, le documentaire qui est en train de se faire et... Oui, c'est comme d'habitude, c'est toujours mardi à 19h au parking B. Maintenant, avant c'était parking K. Donc maintenant c'est au parking B à 19h. Et justement, les étudiants, profs et des artistes, on est en train de faire un travail pour les 21, le week-end du 21-22. Il y aura, c'est vrai, je sais pas si c'est déjà accepté, Donc, c'est en négociation encore. Sous réserve, et, oui. Oui, ça c'est sous réserve, c'est vrai. Okay. Et, mais par contre, ce que j'allais dire aussi par rapport à la VUV, c'était qu'aujourd'hui, on a eu, à l'intérieur des activités aussi, on a eu une rencontre, on peut dire, un meeting avec l'FGTB, les syndicats, ils ont envoyé un représentant du syndicat FGTB, et il y avait une autre personne du syndicat aussi FGTB qui travaillait avec la jeunesse, les jeunes de la FGTB, et une autre personne qui travaille, Jo, qui travaille à la VUV, qui aussi c'est du syndicat FGTB. Donc avec eux, les sans-papiers, ils ont posé leurs questions, ils étaient satisfaits, les syndicats, ils nous ont bien expliqué ce que leur position par rapport au soutien. Et aussi, ils ont expliqué, parce qu'il y avait la doute de plusieurs sans-papiers qu'ils ont appris qu'il y a des sans-papiers qui sont syndiqués à la CSC. Et par contre, à la FGTB, ils n'acceptent pas de syndiquer les sans-papiers. Donc, ce qu'on a appris, c'est que même si ils peuvent syndiquer un sans-papier, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir nous défendre. En cas s'il y a un patron qui ne veut pas lui payer ou qui le doit l'argent, qu'il ne veut pas le rendre son argent. Donc, de ce côté-là, les syndicats ne pourront rien faire. Mmh. Et c'est ça sera inutile de payer la cotisation. Ils nous ont bien expliqué, donc moi j'ai bien compris que c'est vrai, c'est pas la peine de se syndiquer, de payer une cotisation si on peut pas avoir des garanties d'être défendu par un syndicat. Donc, mais par contre, ils se sont réaffirmés dans leur soutien au mouvement sans papier, où ils soutiennent pleinement les occupations, et aussi il y a une pétition de soutien. On est en train de former un comité de soutien pour les 1000 dossiers. Donc là, Philippe Van Mulder, le président de la FGTB, il a signé comme soutien. Lui, il soutient, il est dans le comité aussi. On a monsieur Matteo Alalouf aussi, qui est un des autres signataires. Qui est venu ici, tu te souviens, une émission qui ici avec est professeur à l'ULB. À la ULB. Est-ce que là, la pétition en ligne sur le site du CIRE, c'est la pétition dont tu parles ou c'est encore Non, ça c'est une pétition que le mouvement Sans Papier, l'UDEP, il a lancé de son côté, oui, mais on est comment se peut dire, on discute tout ça, on discute dans la plateforme avec CIRE, FAM et toutes les autres organisations et les syndicats compris. Donc tout le monde était d'accord, on a bien expliqué à quoi ça concernait cette pétition et voilà, c'est lancé. Ok. Mais quoi qu'il en soit, on reparlera tout à l'heure de la pétition du CIRE. Dis-moi un peu, quel est maintenant votre calendrier pour les jours à venir? Oui, voilà. Donc, pour les jours à venir, on est en train de finir la première semaine de janvier et on a pris un peu le souffle. On était trop de travail. Ouais. Donc à partir de lundi 9, on a déjà une manifestation, on va se diriger vers CDB, à rue de la Loi, et cette manifestation, ça va dérouler à 10h30. Donc on lance une invitation à tous les sympathisants, tous les soutiens, les sans-papiers, de se rassembler à rue de la Loi, au métro Malbec, à 10h30 au CDLB. Et aussi le même jour, il y aura une délégation qui va rentrer, mais cette délégation, il va être reçue vers midi. À 12h, il y aura une délégation de sans-papier qui vont rentrer, rencontrer un représentant de CDLB pour voir comment, à quel niveau on a avancé depuis le 22, ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à tout ça. Quel jour tu as dit? Ça, c'est lundi 9 février. Et pour le mardi 10 février, la même chose, à 10h, on a une rencontre avec les CDH. Donc mardi c'est la même chose, on va se rassembler je pense à la place Saint-Joseph comme la dernière fois à 10h. Cette fois-ci c'est à 10h du matin. Et la même chose, il y aura une délégation qui va être reçue et c'est juste aussi pour savoir, pour connaître les avancements des négociations au sein des gouvernements. Et pour le vendredi 13, ça c'est le jour que tous les sans-papiers, tout le monde, on attend con impatience pour voir si la ministre il va nous donner une réponse, une décision positive. En cas que soit comme ça, on va faire la fête. Et le vendredi 13 février, c'est à 10h30, et on va se rassembler au palais de justice. Et du palais de justice, on va se diriger vers le cabinet de madame la ministre Anémie Turtulbon. Et là, c'est pareil, il y aura une délégation qui va être reçue. Et par la suite aussi, il y a une autre chose qui est très importante, en fait, c'est un appel. Qu'on lance le mouvement, la UDEP, Mouvement Sans Papier, il lance un appel à une assemblée générale, à tous les occupants de ULV, UCL, la VUV et de leur soutien, comme c'est le COSU, étudiants de VUV, les CAS, les citoyens, les avocats, aussi on va inviter les syndicats pour qu'ils viennent nous donner ce point de vue, voir si c'est quelle est leur opinion aussi. Ça, c'est quand? Ça, c'est le même jour après la manifestation et ça, c'est à 15h. Mmh. Donc... Ça? Et ça, c'est pas encore confirmé. Moi, je pense que ça va être à VUV. Mmh. On a plus d'espace. Et... Puis vous êtes à côté de la Citibank. Au plus, si on a besoin d'argent, on passe à côté. Voilà. Donc okay. ce que j'ai comme information, merci beaucoup Patrick, merci à Radio Panique pour le travail que vous faites, c'est génial, félicitations et courage les amis. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan de travail que vous fournissez vous à l'UDEP. Hein. Ensemble on fera des océans. Oui, espérons. Et je disais tout à l'heure que c'est le 20e numéro du journal sans papier. C'est à célébrer parce que ça nous rapproche du numéro à venir où on pourra enfin annoncer à ce micro la régularisation de tous les sans-papiers et faire la fête dans ce studio. Ouais, merci beaucoup Alex, merci. On va te libérer du coup puisque tu dois participer à une réunion. On parlait d'un océan de travail, ben voilà, voilà une vague. Et à bientôt. Ok, merci, à bientôt. À bientôt Alex. On va écouter maintenant un reportage qui a été fait par Sarah, une objectrice de croissance que vous avez pu entendre hier soir sur cette antenne à 19h dans les objecteurs de croissance. Sarah qui est allée faire un reportage donc à Louvain-la-Neuve et c'était le jour de l'ouverture de l'occupation, donc le vendredi 30 janvier 2009. S'engage à vos côtés, c'est à travers nos étudiants. Nous sommes non seulement tellement satisfaits, mais nous sommes fiers que les étudiants de l'Université catholique de Louvain défendent une cause aussi remarquable. Au nom des autorités de l'université, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de votre arrivée. Vous êtes ici, à l'université, chez vous, sur votre sol. Nous avons activement, avec les étudiants, avec les comités de soutien, nous avons activement préparé votre arrivée. J'aurai l'occasion tout à l'heure, avec le comité représentatif, de discuter justement des modalités de votre accueil, des conditions de votre accueil. Nous espérons que ça se passe le mieux possible. L'université est prête à porter la cause des sans-papiers le plus loin possible. Ce qui veut dire que non seulement c'est un accueil pour le moment, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons aussi pour avoir une action politique à vos côtés. Voilà, chers amis, je vous propose d'abord, pendant une heure ou deux, de nous installer dans la salle de tapisserie des Halles universitaires. Pendant ce temps-là, je recevrai dans mon bureau la délégation qui vous représente, ainsi que nos étudiants, pour alors discuter de l'horaire, des modalités et de votre installation, j'espère, confortable. Merci beaucoup de votre accueil ici à l'Université de Louvain-la-Neuve. Nous, sans papier de ILB, on a bien reçu votre invitation de venir ouvrir notre occupation ici à Louvain-la-Neuve. Et merci pour votre accueil. Voilà, et vous pensez, quelle est la personne qui vous remet? Donc, en fait, on va vous remettre deux clés, monsieur Jean-Marie, ici. Au départ, donc, c'était un lieu qui était occupé par une poste. Hein. Et donc, il y a un seul lieu pour fermer l'électricité complètement. D'accord ? Et là, il y a une clé qu'on va vous donner pour l'électricité. La deuxième clé, eh bien, je vous la donne ou je ne la donne pas. Je veux bien la donner. Il ouvre la porte ici. Mais il faut la remettre à une seule personne. C'est cette personne qui gère la clé. D'accord ? C'est mieux, on va laisser un portant comme ça et après on va prendre. Et maintenant, on va installer, après, on va négocier avec tous les représentants de la communauté. Après, on va avoir deux personnes qui vont rester la clé et qui restent solidaires avec nous jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà, merci de comprendre. Donc, on termine. Mais donc, à 18h, tout le monde sera installé, tout sera bien là. Ce sera alors. Et à 14h, on fera un point de la situation. Merci. On fait comme ça? Oui, on attend, monsieur. Merci. Voilà, bonne assemblée. Salut. Merci. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe il y a maintenant 2 mois? On a été fort en contact avec les étudiants du CAS et du BEA de l'ULB, donc les étudiants qui vous soutiennent dans votre occupation à l'ULB, qui nous ont dit qu'ils commençaient à avoir beaucoup de sans-papiers et que c'était une stratégie aussi du DEP d'envahir plusieurs universités d'une part et aussi pour un peu dégorger l'ULB. Donc ils ont fait appel à nous, on s'est dit tiens, pour réfléchir à la question et on a décidé en conseil de soutenir les sans-papiers. Ça fait déjà 1 mois et demi. En conseil, le 7 décembre, il y a même 2 mois maintenant, on a voté soutien sans papier. Et on a décidé à ce conseil donc, de la GED, donc des représentants étudiants, on a décidé de faire pression sur les autorités, en tout cas d'appeler aux autorités, pour que le conseil d'administration qui avait lieu 1 semaine plus tard, approuve, ou peut-être 2 semaines plus tard plutôt, approuve une petite motion de principe de soutien sans papier. Donc c'est pas une motion incroyable, mais ça fait référence. T'as raison, il fallait insister, si tu veux, qu'il faisait référence à un soutien de principe aux sans-papiers. Maintenant, parallèlement à cette volonté de faire une occupation par les étudiants et par les citoyens de Louvain-la-Neuve, l'UDEP aussi, sa stratégie était d'envahir l'UCL. On a profité justement de l'initiative de l'UDEP pour s'unir, entre guillemets, et pour décider ensemble d'une occupation, d'une date, de quand. Donc nous, ça nous arrangeait mieux après nos examens. Il y a 2 semaines ici, c'était mort totalement parce que tous les étudiants étudiaient. Maintenant, ils sont plus détendus. Donc maintenant, l'UDEP nous a contactés, il y a eu des réunions entre les partenaires. Et nous, ce qu'on a fait cette semaine-ci, c'est qu'on avait rendez-vous tous les jours avec nos autorités pour leur parler qu'on voulait avoir des facilités On voulait surtout qu'elle pousse dans tous les conseils. Donc le conseil rectoral et le conseil d'administration qui a eu la semaine passée ont approuvé unanimement, c'est-à-dire toutes les autorités du CEL étaient pro-occupation. Il n'y a pas eu, c'était unanime, même si certaines personnes plus conservatrices n'étaient pas très contentes. On peut dire que c'est unanime. Et donc maintenant, l'UCL officiellement soutient les sans-papiers. Maintenant, c'est un travail d'équipe qu'il faut faire avec vous. Je crois que c'était tout ce que je veux dire en termes historiques. Donc, aujourd'hui, on est venu ici à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. Voilà. Donc, Bon. Donc, le vendredi 13, on va chez Turtle Boy. Ok ? Jeudi, on va chez Turtle Boy. Mercredi, on va chez Turtle Boy. Mardi, on va chez Turtle Boy. Lundi, on va chez Turtle Boy. C'est ça qu'on avait décidé à l'Assemblée Générale la fois passée. On met de la pression. Ou le 13. Alors, aujourd'hui, on a mis la pression ici. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a un rendez-vous au CDH. Ils veulent vous voir. On ne sait pas encore quel jour. On va faire la manif au CDH et on va encore passer chez Turtle Boy. On ne sait pas encore quel jour parce que le CDH va nous dire quel jour on va le voir. Et la deuxième chose, c'est CDNV. Donc CDNV, c'est important parce que c'est le parti du Premier ministre. On a été l'autre fois, on a demandé la rencontre avec le Premier ministre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, on va vous donner la réponse. On n'a pas reçu la réponse. Ce qu'on a demandé au recteur à la réunion tantôt, c'est de lui-même demander au Premier ministre, c'est quoi sa réponse ? Est-ce que lui, il va rencontrer les occupants de l'ULB et de la VUB ou pas ? Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appuyer notre demande. Il va dire au Premier ministre, il faut que vous rencontriez ces personnes. Et ce qu'on lui a dit, c'est que nous, le 13, pour nous c'est très important, parce qu'on va chez Turtle Boy lui demander une réponse et qu'on veut voir le Premier ministre avant le 13. Donc, on aurait peut-être, d'ici là, une rencontre avec le Premier ministre. On ne sait pas quand. Voilà, je ne sais pas si c'est clair l'agenda, mais c'est pour expliquer que tout ça, c'est la même stratégie. Et c'est ça. Et depuis qu'on est à Cosmos, et depuis qu'on est à Electrabel, et depuis qu'on est à ULB, et depuis qu'on est à VUB, notre stratégie, c'est ça. On a passé la première étape, la première fois qu'on était chez Turtle Boy. Maintenant, on va arriver à la deuxième étape. On est en négociation, on négocie, et ici, on va connaître le résultat de la négociation. On a dit, plus on va mettre de force, plus il y aurait quelque chose qui va sortir. On verrait ce qui va sortir. Maintenant, ici, à l'UCL, on est très bien accueillis. Et plus que ça, plus qu'on est accueillis, le recteur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, moi, nous, l'université, pendant 3 semaines, on va se battre pour mettre un maximum de pression pour faire bouger les choses. C'est ça qui est important. C'est ça qu'ils vont faire. Ça, ils ne le font pas à l'ULB, ils ne le font pas à la VUB. À la VUB, à l'ULB, quand on arrive, on nous dit dehors. Ici, on nous dit... Prends ton lit. Donc, voilà, c'est juste pour rappeler la stratégie, quoi. Il faut qu'on en profite un maximum et qu'on soit sérieux ici, quoi. Et tout ça va nous amener, donc, chez Turtle Boy le 13. Pendant une semaine, on lui met la pression tous les jours. Tous ses rendez-vous, ils vont tomber par terre. Parce que nous, on sera devant son bureau, les voitures, elles ne pourront même pas passer. Elle ne pourra même pas recevoir les gens. Et... Le CDH, il mettra la pression. L'université, elle mettra la pression. CDNV, il mettra la pression. Et si on rencontre le Premier ministre, il mettra aussi la pression. Oui. Ça, c'est notre stratégie, de mettre un maximum de poids pour faire plier la ministre. Voilà, c'était un reportage enregistré par Sarah le vendredi 30 janvier 2009. À l'ouverture de l'occupation, la nouvelle occupation des sans-papiers de l'UDEP à l'UCL, donc l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et bien, Bouba, ce qu'on a pu entendre là, nous, c'est que, enfin moi qui n'étais pas en tout cas, c'est que effectivement vous avez été accueillis chaleureusement. J'ai oublié de dire qui était dans... Dans ce reportage, on a pu entendre Jean-Gabriel, qui est un étudiant de l'AGL, l'Assemblée des, l'Assemblée générale des... Des étudiants de Louvain. Ouais, c'est ça. Monsieur Renders, vice-recteur de l'UCL. On a aussi entendu Léo, qui est un occupant. Un occupant, ouais. Un futur militant, hein, qui essayait de prendre la parole. la parole d'ailleurs d'un étudiant dont j'ai pas le nom. Et enfin Gérardo. Et donc, on a à la fois l'accueil, donc, qui vous a été fait et aussi le travail. On parlait de travail tout à l'heure. Il y aura sans doute, je pense, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, on fera peut-être un journal sans papier pour essayer de voir un peu les résultats aussi de tout ce travail, quoi, et décortiquer un peu dans quelle stratégie, dans quel rapport de force il faut rentrer en ce moment pour essayer d'obtenir une régularisation. Mais là, en tout cas, on est dans le vif du sujet quand on parle de travail militant de l'UDEP. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'occupation, donc, qui a commencé maintenant, Bouba? En fait, au niveau de l'occupation à l'UCL, avant toute chose, d'abord, faut juste le rappeler que c'est, en fait, pas une nouvelle occupation. C'est juste une occupation comme tous les autres. Donc, les gens qui étaient à la VUB et à l'ULB, ce sont une partie de ces gens qui sont allés ouvrir une nouvelle occupation à l'UCL pour, à l'UCL, en un mot. Mais ce que je peux aussi rajouter aussi, c'est que nous avons eu un accueil vraiment chaleureux de la part des élèves, des étudiants et de la population, en fait, de Louvain-la-Neuve. Et ils nous ont rassurés qu'ils nous soutiendraient jusqu'au bout. Comme ils l'ont dit, le mercredi, il y a une manifestation et il y a un représentant de l'université qui nous a promis qu'il ferait tout le maximum pour réunir, en fait, tous les recteurs des grandes universités de Belgique, pas seulement de l'UCL ou du VUB ou de l'ULB. Il essaie de toucher le maximum de recteurs de l'université pour avoir aussi une délégation avant le 13 pour pouvoir accompagner les sans-papiers dans cette délégation qui sera composée des étudiants, des différentes associations, des sans-papiers et des recteurs de l'université. Et ils nous ont promis qu'ils feront tout possible d'avoir une entrevue avec la ministre et le premier ministre avant le 13. C'est fixé, tu disais samedi, non? Non, c'était le mercredi. Mercredi. Ouais. Mercredi prochain, donc. Non, pas le mercredi. Non, le mercredi, on sait que ça a été dit au niveau le jour de la manifestation du mercredi qui s'est déroulée. Mais là, on n'a pas encore fixé de date, vu qu'ils n'ont pas encore reçu l'accord ici. Mais c'est sûr qu'ils ont dit que c'est sûr qu'ils auront une délégation ici avant le 13. Ah, mais qu'ils nous feront parvenir dans les plus brefs délais une date. Tu m'as dit que vous étiez une soixantaine à peu près. Ouais, une soixantaine, ouais, avec les femmes, ouais. Moi, j'ai été vous voir, donc, parce que il y avait une marche de solidarité qui était organisée mercredi. Ouais. Donc, c'est la manif dont tu parlais tout mmh. à l'heure. Mmh. Bon, effectivement, par rapport à la VUB et à l'ULB, il y a un certain confort, disons, par rapport au fait que l'ULB, c'est toujours un grand gymnase où il n'y a pas beaucoup d'intimité, où il y a des difficultés par rapport aux douches, etc. La VUB, c'est toujours des problèmes aussi de chauffage. Donc là, quelque part, peut-être que vous avez gagné en confort et en même temps, vous êtes loin de Bruxelles. Ouais. C'est ton téléphone qui sonne. Tiens, ou tu as un bébé dans la poche. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Moi j'ai eu le sentiment que le problème de la mobilité était assez... En fait, le problème majeur là-bas qui nous concerne, c'est le problème de la mobilité, en fait. Parce que là, on est vraiment dans une ville. Une petite ville, restreinte en un mot, seulement, elle est juste au niveau de l'occupation et le centre-ville, il n'y a rien d'autre. Mais parmi nous, il y a des gens qui voudraient venir souvent, aller en dehors de la ville, souvent peut-être venir jusqu'à Bruxelles. Mais le seul problème, il y a vraiment un problème de mobilité parce que la première semaine, en fait, l'université nous avait dit qu'ils allaient nous rembourser les tickets que nous allons utiliser au début. Et puis ça, c'était clos depuis le mardi. Tu parles des tickets pour manger? Non, pas des tickets pour manger, des tickets de transport pour se rendre à Bruxelles. D'accord. Parce que les tickets, depuis le vendredi jusqu'à mardi, tous les gens qui ont effectué des trajets de Louvain-la-Neuve jusqu'à Bruxelles, on a déposé les tickets, on attend notre remboursement, mais ils ont dit de passer ce délai qui, c'est impossible, qu'ils pourraient pas nous fournir tout le temps, tous les jours, des tickets. Oui. Et c'est vraiment compréhensible aussi. Ils ont bien reçu, bon, avec le soutien qu'on a, on peut pas encore demander plus. Mais ce qu'on voudrait, c'est avoir quand même, s'il y a moins de nous aider, avoir même une sortie une ou deux fois la semaine pour pouvoir sortir et aller un peu se prendre, peut-être venir jusqu'à Bruxelles, si on aurait aussi ça. Oui, oui. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et oui, parce qu'effectivement, Louvain-la-Neuve, c'est sympathique, mais bon, c'est des boutiques. Bon, des boutiques. Et c'est vrai que le trajet vaut quand même 4,50 € l'aller, plus même... 4,80 €. Et ça fait presque 10 € l'aller-retour. Donc l'appel est lancé, en tout cas, si l'université veut encore un peu faire quelque chose, elle peut aller dans ce sens. Et en tout cas, les soutiens savent aussi qui peuvent venir en voiture ou au moins payer le trajet de temps à autre, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres besoins? En plus, il n'y a pas beaucoup de choses maintenant à ajouter, sauf que les soutiens qu'on a, c'est vrai, par rapport un peu à la VEB, à l'ULB, on a vraiment beaucoup de soutien parce qu'il y a à chaque fois des gens qui nous apportent pas mal de trucs, que ce soit des vêtements, de la nourriture et... Je trouve que c'est pour le moment, c'est génial avec les habitants de Louvain-la-Neuve. On les remercie vraiment de leur accueil. Okay. Merci Bouba. On va maintenant parler un petit peu, si tu veux bien, de l'actualité en France. Donc, ce qu'on a appris, bien, une nouvelle qui est bonne, mauvaise, c'est toujours ambivalent. Mais enfin, je trouve que c'est quand même réconfortant de voir qu'il y a des gouvernements qui résistent un peu à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la France-Afrique. On sait que le 10 janvier 2009, l'accord entre Bamako et Paris, qui devait être passé sur la politique, une collaboration dans la politique d'immigration française, a échoué pour la quatrième fois. C'est-à-dire, ça fait quatre fois que Brice Hortefeux essaye de faire signer au gouvernement malien un accord qui prévoyait en fait que la France puisse expulser plus de Maliens en direction de Bamako et que la police malienne éventuellement collabore à ça. Et en fait, ça a échoué parce que en échange, faut pas se faire d'illusions, hein, l'État malien, c'est pas non plus n'a pas répondu non par simple philanthropie. En fait, eux, ce qu'ils demandent, le gouvernement malien, c'était qu'il y ait 4000 régularisations par an de Maliens en France. 4000. Et la France campe en fait sur le chiffre de 1500, 4000. Oui, c'est ça, 1500. 1500, un quota de 1500 régularisations de Maliens en France par an. Donc c'est pour ça que cette négociation a échoué. Brice Hortefeux, qui voulait couronner son ministère avec cet accord, donc par la queue entre les jambes. Puisqu'on en est à parler de chiffres, il y a effectivement un bilan que tout le monde a brandi quand il est parti, c'est les 26 000 expulsions qu'il était censé réaliser. C'est un objectif qu'il a même dépassé. C'est 27 000. J'ai pas le chiffre exact. Enfin, c'est un objectif qu'il avait amplement rempli, notamment en expulsant, je sais pas si vous vous en souvenez, des Roms, des Bulgares et des Roumains. 4600 Roms, Bulgares et Roumains, qui sont partis avec une aide au retour de 300 € par adulte et 100 € par enfant, juste avant l'ouverture des frontières entre la Roumanie et le reste de l'Europe. Ce qui fait qu'en fait, ces gens qui ont été expulsés pour faire du chiffre, 4600, sont revenus en France illico. Donc on voit que c'est une politique absolument inefficace, Bon, ça fait partie du bilan de Brice Hortefeux. Voilà, j'ai maintenant le chiffre total des expulsions réalisées par Monsieur Hortefeux, c'est 29 796, dont 4 600 Roms, Bulgares et Roumains, pour rien. Pour rien, enfin pour gagner un peu d'argent. En tout cas, eux ont pu voyager avec un peu d'argent, ma foi. Une expulsion, en fait, ça vaut 20 970 euros. C'est l'évaluation qu'on fait. Et le coût total de la politique d'Hortefeux, on l'évalue à 500 millions d'euros pour l'année 2008. 500 millions d'euros. Je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec cette somme en termes de collaboration, d'aide au développement avec le Mali, par exemple, et d'autres pays. Dans le bilan de Monsieur Hortefeux, on pouvait aussi préciser, par exemple, que dans les Maliens qu'il était censé expulser en accord avec Bamako, je me perds dans mes papiers. Les Maliens, voilà, sont 120 000 en France. C'est le chiffre des Maliens qui résident en France. Et un tiers seulement sont en situation régulière. Sont en situation irrégulière, excusez-moi. Et il rapporte au Mali, c'est aussi pourquoi le Mali il y a un vrai enjeu dans cette politique d'immigration. Il rapporte 200 millions d'euros. 200 millions d'euros par an, c'est-à-dire un chiffre supérieur à cette aide au développement que la France attribue au Mali depuis 2000, 156 millions d'euros seulement. Donc les Maliens qui séjournent en France rapportent plus d'argent en termes de développement pour le Mali. Je vous engage à aller lire un article du Monde diplomatique de ce mois-ci qui parle très bien de la façon dont les banques sont en train d'essayer de capter cet argent précisément en faisant souscrire les sans-papiers maliens et les résidents maliens français des comptes qui sont censés aider au développement du Mali. C'est assez croquignolesque. Voilà, ça c'était ce qu'on pouvait dire du bilan de M. Hortefeux. On pouvait s'attendre à ce que la politique de M. Hortefeux soit un peu plus critiquée, comme elle est critiquable, vu qu'elle elle coûte très cher et elle n'a pas l'air très très efficace en vérité. En fait, non, ça n'a pas été tellement critiqué. Et son suivant, qui est M. Besson, qu'on va écouter tout de suite, eh bien lui, il maintient le cap. Il maintient le cap, c'est-à-dire que son objectif à lui, c'est 26 000 expulsions. Donc Brice Hortefeux, 29 796. L'objectif maintenant, c'est 26 000 expulsions. On l'écoute de suite, Eric Besson. Non, 4. Il est 8h18, vous écoutez Europe 1 et Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le nouveau ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, Éric Besson. Éric Besson, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que le gouvernement vous a donné l'objectif de 26 000 reconduites à la frontière par an ? 27 000, chiffres qui m'ont été donnés par le président de la République et par le Premier ministre la semaine dernière. Brice Hortefeux, mon prédécesseur, avait eu un objectif de 26 000 et 30 000 réalisés. Là, on me donne un objectif de 27 000. Donc c'est une sorte de compétition officielle à qui expulsera le plus ? Non, c'est pas une compétition officielle, c'est une stratégie. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était candidat, avait dit « je ne suis pas partisan de l'immigration zéro ». C'était une rupture intellectuelle extrêmement importante. Il n'a jamais joué avec ça, il a dit « je ne crois pas à l'immigration zéro, je crois à l'immigration légale, à la capacité d'accueil de la France, et pour accueillir, il faut pouvoir offrir un emploi et un logement ». Et ça veut dire, de façon consubstantielle, ça veut dire qu'il faut en même temps que celles et ceux qui viennent sur notre territoire sans papier, comme on dit, c'est-à-dire démunis du titre de séjour, soient reconduits à la frontière. Mais c'est généralement... très cohérent. Et ça n'est pas la politique, excusez-moi d'un mot, ça n'est pas la politique de la France. C'est la politique de l'Union européenne, puisque les 27 ont adopté, quel que soit leur gouvernement, de droite ou de gauche, exactement la même politique. C'est une consolation qui est toute l'Europe dans ligne. Non, c'est pas une consolation. C'est un constat que si on est raisonnable et pragmatique, on ne peut pas faire autrement. Love. Éric Besson, le nouveau ministre de l'immigration français, qui parlait au micro d'Europe 1 il y a 2 jours. Pour annoncer qu'en fait, il continuait la politique de Brice Hortefeux, avec vous aurez peut-être noté cette articulation discursive assez curieuse où on lui parle du chiffre d'expulsion. Il dit mais oui, mais en fait c'est parce qu'on veut régulariser, c'est parce qu'on veut, parce qu'on croit à l'immigration légale, donc on expulse. Bon, on n'a pas tout à fait compris le lien, mais enfin ça doit en avoir un. Et alors c'est cette façon très très rigolote de s'abriter derrière l'Europe. En disant qu'en fait l'Europe c'est la seule voie raisonnable et pragmatique. D'accord. Pour inaugurer cette politique, ça va pas tarder. C'est un petit article qu'on trouve dans le Canard enchaîné du mercredi 28 janvier. Pour inaugurer cette ambition, le nouveau ministère de Monsieur Besson. Je rappelle que c'est un homme politique socialiste qui fait partie des monstres sarkozystes de l'ouverture, c'est-à-dire qui a rallié le sarkozisme et qui l'a rallié avec la main sur la couture du pantalon. Pour inaugurer cette nouvelle politique, on a appris que 2 petites filles de 12 et 5 ans et demi ont passé 3 jours toutes seules dans la zone d'attente de Roissy, avant d'être déféré le 25 janvier au tribunal de Bobigny. Leurs mères ont été arrêtées alors qu'elles venaient les chercher à l'aéroport. Et leurs mères, elles sont toutes deux en situation régulière. Mais elles sont congolaises, ce qui suffit à être suspect en ce moment en France. Pendant la même émission, donc sur Europe 1, le ministre Besson s'est illustré par une autre grande décision qu'on va écouter maintenant. Et là, je te demanderai, Bouba, ce que tu en penses. Je veux aller plus loin. Je veux absolument doter les préfets de nouveaux outils pour lutter contre les filières clandestines. Demain, je vais signer symboliquement en préfecture de police une circulaire par laquelle nous allons donner aux préfets de Paris, préfets départementaux, la possibilité d'accorder des titres de séjour provisoires et qui peuvent être ensuite renouvelés aux clandestins victimes de filières clandestines qui décideraient de coopérer avec la police et donc, pour parler clairement, de dénoncer ces filières clandestines. C'est de la folie, ça. Pourquoi c'est de la folie? Mais vous demandez à des sans-papiers clandestins de dénoncer les pasteurs pour être plus vite régularisés. Et en quoi ça vous choque? Et vous demandez de coopérer, de collaborer avec la police? C'est-à-dire qu'on récompensera les collabos? Non, on récompensera, entre guillemets, d'abord on récompensera pas, on démantèlera les filières. L'objectif premier, c'est celui-là. Deuxièmement, mettez-vous à la place aujourd'hui d'un clandestin totalement exploité. Ça arrive chez des particuliers. Absolument. Ça arrive dans la prostitution, ça arrive dans un certain nombre de petites entreprises. Mais Éric Besson, pardon, vous imaginez que les victimes de ces réseaux qui n'ont aucun titre de séjour aller dans les commissariats, ils vont se livrer eux-mêmes. Avec le système que nous mettons en place, ils savent que s'ils dénoncent celles et ceux qui les ont mis dans cette situation, ils peuvent obtenir instantanément un titre de séjour provisoire et coopérer effectivement avec la police. Beaucoup vont être choqués, vont dire que c'est inqualifiable, parce que c'est une question de principe. Les Français, connaissent leur histoire, ils ont de la mémoire. Comment ils vont accepter cette prime donnée à la délation? La question de principe, et peut-être que je le mettrai sur la place publique dans quelques jours, c'est de voir ce que sont les conditions d'esclavage moderne dans lesquelles se retrouvent un certain nombre de clandestins qui vivent dans des sous-sols sans même voir le jour pendant des mois et des années. C'est à ça m'attaquer. Je ne peux pas tarir le flux sans essayer de m'en prendre à la source. Sources, ce sont ces filières et ces passeurs. D'accord, mais c'est pas à la police de faire le travail? Bien sûr que c'est à la police. Oui, vous demandez aux clandestins eux-mêmes, aux victimes, d'aller dénoncer, enfin je sais pas... La police fait son travail. Je vous ai dit, 120 filières démantelées en 2008. Je veux qu'on essaie de doubler ce chiffre cette année. Mais je vous dis aussi que les clandestins eux-mêmes peuvent coopérer avec la police pour sortir de la situation dont ils sont victimes. Mais et je pense que ça ne choquera aucun humaniste. Vous, l'homme qui fut de gauche et qui dit le rester, votre conscience, qu'est-ce qu'elle vous dit sur le fait de dénoncer? Je viens de vous répondre par anticipation en disant que non seulement aucun humaniste ne devrait être choqué, mais tout humaniste devrait l'assumer et le revendiquer. Éric Besson, vous avez dit... Oui, Éric Besson au micro de... Au micro de Jean-Pierre Elkabbach, qui a déjà beaucoup fait pour le racisme en tuant Pascal Sevran. et qui donc annonçait cette mesure. Il faut savoir que cette mesure, donc on ne sait jamais comment, sous quels critères, hein, régulariser les sans-papiers. On cherche des choses. Là, Éric Besson a trouvé la solution. En fait, il suffit d'en faire des délateurs. Donc on va régulariser les délateurs. C'est une proposition qui avait été faite par Nicolas Sarkozy aux victimes de la traite de la prostitution en 2003. Donc c'est pas neuf. Hein. C'est la voix de son maître. C'est un ministre sarkozyste qui s'aligne. Qu'est-ce que tu en penses, Bouba? Ce que j'en pense, je trouve que la décision de monsieur le ministre là, c'est vraiment absurde de demander à un sans-papier d'aller se livrer à lui-même dans un commissariat pour pouvoir dénoncer les gens qui lui ont fait rentrer ou bien qui font je ne sais quoi. Bon, vous imaginez, ces gens-là sont pris vraiment en otage, qu'ils sont ici, dont leurs parents qui se trouvent à l'autre bout de chez eux. Imaginez ce que leurs familles doivent endurer si ces gens-là découvrent ce qu'ils ont réellement fait. En un mot, le ministre leur tend une corde pour qu'ils se pendent eux-mêmes. Oui. Voilà. Je vous engage à écouter. Ce matin, il y a eu un premier volet. C'est grâce à Vincent qu'on a pu l'entendre. C'est un documentaire sur le Calaisie et les migrants afghans qui sont concernés par cette mesure, puisque souvent ils arrivent à Calais dans un réseau de migration. Ça m'étonnerait qu'eux aient très envie de dénoncer qui que ce soit et de collaborer avec la police pour avoir un titre provisoire. Ainsi se termine le journal sans papier, un peu sur les chapeaux de roue, on est un peu en retard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal sans papier. On essaiera d'aborder la question de savoir où on en est du rapport de force avec le ministère Qu'est-ce qu'on fait avec la contradiction entre défendre tous les sans-papiers et défendre des listes de sans-papiers, de militants? Voilà, je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain. À bientôt. À bientôt, Bouba. Merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi, M. Patrick. Il n'y a pas de quoi. Papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier